première partie, chapitre 10e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 10e. Méditation de la fin de l'homme. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, priez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, ce n'est pas par aucune raison d'intérêt que Dieu nous a créés, puisque nous lui sommes absolument inutiles. Ce n'a été précisément que pour nous faire ce bien en nous élevant par sa grâce à la participation de sa gloire. C'est en cette vue, Philothée, qu'il vous a donné tout ce que vous avez. L'entendement pour le connaître et pour l'adorer, la mémoire pour vous souvenir de lui, la volonté pour l'aimer, l'imagination pour vous représenter ses bienfaits, les yeux pour vous faire admirer ses œuvres, la langue pour le louer, et ainsi des autres puissances et facultés. Deuxièmement, puisque c'est là l'intention que Dieu a eue en vous créant, certainement vous devez condamner et éviter toutes les actions qui sont contraires à cette fin, et à l'égard de celles qui ne peuvent pas vous y servir, vous devez les mépriser comme vaines et superflues. Troisièmement, voyez donc quel est le malheur du monde qui ne pense point à cela. Le malheur, dis-je, des hommes qui vivent comme s'ils étaient convaincus qu'ils ne sont au monde que pour bâtir des maisons, se faire d'agréables jardins, accumuler richesses sur richesses et s'occuper de frivoles amusements. Affection et résolution. Premièrement, confondez-vous en reprochant à votre âme sa misère et l'oubli de ses vérités. Hélas, de quoi mon esprit était-il occupé, ô mon Dieu, quand je ne pensais pas à vous? De quoi me ressouvenais-je quand je vous oubliais? Qu'aimais-je quand je ne vous aimais pas? Hélas, je devais me nourrir de la vérité et je me remplissais de la vanité. Esclave que j'étais du monde, je le servais, lui qui n'a été fait que pour me servir à vous connaître et à vous glorifier. Deuxièmement, détestez la vie passée. Je vous renonce donc et je vous abhorre. Fausse maxime, vaine pensée, inutile réflexion, souvenir détestable. Je vous déteste, amitiés infidèles et criminelles, vains attachements du monde, services perdus, misérables complaisances, fausse générosité, qui, pour faire du bien aux autres, ne m'avait rien produit qu'une grande ingratitude envers Dieu. Je vous déteste de toute mon âme. Troisièmement, convertissez-vous à Dieu. Et vous, ô mon Dieu, ô mon Sauveur, vous serez dorénavant l'unique objet de mes pensées. Je n'aurai jamais d'attention à rien qui puisse vous déplaire. Ma mémoire se remplira tous les jours de la grandeur et de la douceur, de votre bonté envers moi. Vous serez les délices de mon cœur et la suavité de tout mon intérieur. Ah, c'en est fait, tel et tel amusement auquel je m'appliquais, tel et tel vains exercices qui occupaient tout mon temps, telles et telles affections qui engageaient mon cœur, tout cela ne sera plus qu'un objet d'horreur pour moi. Et pour me conserver dans cette disposition, je me servirai de tel et tel moyen. Conclusion. Premièrement, remercier, etc. Je vous rends grâce, ô mon Dieu, de m'avoir donné une fin aussi excellente et aussi utile que celle de vous aimer en cette vie, et de jouir éternellement en l'autre de l'immensité de votre gloire. Quand sera-ce que j'en serai digne? Quand vous bénirai-je comme je le dois? Deuxièmement, offrez, etc. Je vous offre, ô mon aimable Créateur, toutes ces résolutions et ces affections, avec tout mon cœur et toute mon âme. Troisièmement, priez, etc. Je vous supplie, ô mon Dieu, d'agréer mes souhaits et mes vœux, de donner votre sainte bénédiction à mon âme, afin qu'elle en puisse voir l'accomplissement par les mérites de votre Fils qui a répandu son sang pour moi sur la croix, etc. Pater, Ave. Fin du chapitre 10e. Première partie,